Gucci, tout habillé dans la place. T'as le moral à zéro, écoute le son, tu vas te réchauffer. T'as le moral à zéro, écoute le son, tu vas te réchauffer. Là c'est Abby, l'autre c'est Jackie. À mon top, 1, 2, 3, bah c'est parti. J'espère que ce soir tu seras de la partie. Ok, ok, bah c'est parti. On a tout ce qu'il faut pour bouger. Faut pas hésiter, faut venir danser. C'est un son de taille qui fait kiffer. C'est un son de taille qui fait bouger. Faut pas hésiter, faut venir danser. Car là ce qu'il faut pour faire bouger. Sur ma vie, je vous promets à te mater. La case c'est OP, on va s'éclater. VH, t'approche, on va clapper. Car je sais bien que tu te kiffes à la fessée. Tu pourras me dire d'arrêter, mais je vais pas cesser. Car dans mon lit, ce n'est pas ce que tu disais. J'aime ambiancer. Toi c'est danser, viens bouger ton boule à la Beyoncé. On a tout ce qu'il faut pour bouger. Faut pas hésiter, faut venir danser. C'est un son de taille qui fait kiffer. C'est un son de taille qui fait bouger. Faut pas hésiter, faut venir danser. Car là ce qu'il faut pour faire bouger. Gigi Abby sont là pour vous faire bouger ce son. Baby viens bouger ton taf, tu sais que je kiffe ça. Je suis la star de mon lycée et non pas la risée. Est-ce que tu as pigé? Vas-y viens teaser. Tu peux même stripteaser. Mais ne reste pas figé. Car je ne fais que te fixer. J'aimerais te choper dans mon filet. Je suis prêt à parier un billet. On doit faire connaissance obligée. Et ah oui j'oubliais. Qui as-tu dans tes yeux pour autant briller? Je crois que les miens voient double. Est-ce que c'est moi ou c'est ton boule? Je crois que j'ai trop bu car je vois trop. Dis-moi si c'est cool, si oui ça roule. Qu'est-ce que tu préfères? Le DJ passera de la soul ou du jaroule? C'est toi qui vois bébé. On a tout ce qu'il faut pour bouger.